الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا لونج تا ديو سينيور دي زونيفير كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه دونك لا لونج تا ديو كونفورميمون ا لا ماجيستي دو سا فاس اي ا لا غوندور دو سا سوفرينتي واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. يُنَزِّلُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حُجَّاجِ بَيْتِهِ الْحَرَامِ. Chaque jour, il fait descendre sur les pèlerins de sa maison sacrée 120 رَحْمَةً 120 miséricordes. 60 للطائفين 60 pour ceux qui accomplissent les rotations rituelles, wa 40 lil musallin et 40 pour les prieurs, wa 20 lin nadirin et 20 pour les observateurs, pour ceux qui regardent uniquement la maison sacrée, 20 miséricordes, 20 lin nadirin, 60 rahma lit taifin wa 40 lil musallin وعشرين لمن ينظر ويتأمل في الكعبة. يا رب، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا Muhammadan Rasulullah al-Sadiq al-Amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Waqafa amam al-Ka'bah. Il s'est arrêté une fois devant la Ka'bah. Waqal. Et il a dit: Wallahi ma atyabak wa ma atyab rihak. Par Dieu, combien tu es parfumé. Wa وما أعظم حرمتك et combien tu es sacré. والذي نفسي بيده إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. Par celui qui tient mon âme ou mon esprit dans sa main, l'honneur du croyant est plus sacré auprès de Dieu que ta sacralité. يا سيدي يا أبا الزهراء يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى صلى الله عليك يا أمير الأنبياء. Que les prières de Dieu soient pour toi, ô émir des prophètes. عدد نجوم السماء au nombre des étoiles du ciel, وعدد رمال الصحراء et au nombre des sables du désert, وعدد أولاد آدم وحواء et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى. Très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Baqiyat thalathat asabi' ala al-hajj, ala bidayat manasik al-hajj, wa ala yawm al-eid. Il reste à peu près 3 semaines pour le début du pèlerinage, ou bien pour la journée de la fête du sacrifice. Wa qad bada'a an-nas fi as-safar ila al-amakin al-muqaddasa. Les gens, les musulmans de tous les coins du monde ont commencé le voyage vers les lieux saints de l'islam. Nas'alu Allah lahum as-salamata wal-qabul. On demande à Dieu pour eux l'agrément et l'acceptation. ومن رأى هذه الأعداد الهائلة من الحجاج. Celui qui va voir ces grands nombres de pèlerins, تقريبا اكثر من مليونين كل سنه ا peu près plus que 2 millions chaque an. ظن ان الناس لا زالوا على مستوى كبير من الايمان. Celui qui va voir ça, il va penser que les gens ont toujours un grand niveau de foi et de piété. ولكن اقول الكثره لا تفيد والمظاهر خداعه. Mais je dis, la quantité ne signifie pas grand-chose, ne sert pas à grand-chose, et les apparences sont toujours trompeuses. فَنَحْنُ نُرِيدُ الْكَيْفِ وَلَا نُرِيدُ الْكَمِ. Nous voulons la qualité, et nous ne voulons pas la quantité. فِي سَنَةِ حَجِّ, l'année de mon pèlerinage, بينما كنت أطوف في الحج بالكعبة, lorsque j'étais en train d'accomplir les rotations, les tours de rotation autour de la Kaaba, بجانب الكعبة المشرفة, à côté de la Kaaba anoblie, وبيني وبينها بضعة أمتار, il y avait entre moi et elle, la Kaaba, quelques mètres, une dizaine de mètres. وإذا بامرأة أظنها أندونيسية, et j'ai vu devant moi une femme, je pense indonésienne, دفعت رجلا تركيا وسط الزحام. يعني مش بالعاني ولكن ما استطعت. Elle a poussé, cette femme a poussé un homme que je pense turc, parce qu'il y avait une grande foule, et c'était pas volontairement. وإذا بالرجل يرفع يمينه, et l'homme a levé sa main droite, ويهوي بها على المرأة حتى أسقطها وأسقط معها صاحبتها الأندونيسية أرضا. Et il a donné un coup fort, dur à cette femme, et il l'a fait tomber et a fait tomber avec elle sa copine. فلما قامت, lorsque cette dame s'est levée, أراد أن يكمل عليها, il a voulu l'achever. كأنه في حلبة بوكس. لولا أن تدخل الناس, il a voulu l'achever. Heureusement, les gens sont intervenus pour le séparer d'elle. Aïna hada, où ceci a eu lieu, fi shahr al-haram, dans le mois sacré, fi al-balad al-haram, dans le pays ou la ville sacrée, amam al-Ka'ba, devant la Ka'ba, à quelques mètres. Ayu'addu hada wa amthaluhu min al-hujjaj. Est-ce qu'on peut comptabiliser, est-ce qu'on peut compter celui-ci et ses semblables parmi les pèlerins? نعده من المليونين. Est-ce qu'on le compte parmi les 2 millions? نحن لا نريد الكمية ولكن نريد النوعية. Nous, on ne veut pas la quantité, mais on cherche la qualité. أحد العلماء الغربيين لما أسلم وذهب إلى الحج ورأى مصائب الحجاج, l'un des savants occidentaux, lorsqu'il s'est converti à l'islam, il est parti là-bas pour faire le pèlerinage et il a vu le désordre et le malheur des musulmans. قال كلمته المشهورة, il a dit sa phrase célèbre, الحمد لله الذي علمني الإسلام قبل أو عرفني بالإسلام قبل أن يعرفني بالمسلمين. Merci à Dieu, ou la louange parfaite est à Dieu qui m'a fait connaître l'islam avant de me faire connaître les musulmans. Des gens qui vont au pèlerinage pour chercher le titre, pour la quête du titre. Laqab al-Hajj, le titre du Hajj, pèlerin. وَمَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الْحَاجْ بَعْدَ الرُّجُعْ خَاصَمَهُ وَقَطَعَ كَلَامَهُ. Et celui qui va pas le nommer par ce titre, Al-Hajj, le pèlerin, après son retour, il se dispute avec lui. Il coupe toute relation avec lui. Taïb, c'est bien. وَمَنْ حَجَّ مَرَّتَيْنِ. Et celui qui va faire le pèlerinage deux fois, مَذَا نَقُولُ لَهُ. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Al-Hajj, Al-Hajj Flan. On va lui dire pèlerin au carré, Al-Hajj au carré. Nas. ناس تذهب للحج وهي لا تعرف كيفية الحج. Des gens qui partent au pèlerinage sans avoir appris auparavant la méthode ou comment accomplir les rites du pèlerinage. Ils partent avec l'ignorance complète. Et accomplissent le pèlerinage comme ils ont voulu eux, et non pas comme Dieu a voulu pour eux. Et ils reviennent par la suite comme pèlerins. Des apparences brillantes derrière lesquelles courent les gens d'aujourd'hui. Min ghayri imanin sahih wa la khishyatin min Allah illa man rahima rabbuna. Sans foi véridique et sans crainte référentielle vis-à-vis de Dieu, à part ceux qui sont préservés par la clémence de Dieu, mais qui ne sont pas nombreux. Wa ma hum illa qalil. Malyunan min al-hujjaj kulla sana aw akthar. 2 millions de pèlerins chaque année ou même plus, jusqu'au point que les uns tuent les autres. Et des centaines tombent morts lors de la lapidation. Parce qu'il y a beaucoup de gens et peu d'espace. Et après le pèlerinage, إِذَا رَأَيْنَا فِي مُجْتَمَعَاتِنَا. Si on observe juste après le pèlerinage nos sociétés musulmanes, وَجَدْنَا نَفْسَ الْأَمْرَاضِ وَالْمَشَاكِلِ. On rencontre, on trouve, on observe les mêmes maux, les mêmes maladies, les mêmes problèmes. صَلَاتٌ مَتْرُوكَةٌ. Une prière délaissée. زَكَاتٌ مَمْنُوعَةٌ. Une aumône, une zakat non acquittée. Baratun maftouha, des bars ouverts. Khumurun mashrouba, des vins consommés. Shababun bil mukhadirati mankhoura, des jeunes par les drogues détruits. Wa shabbatun bil fadihati mashhoura, et des jeunes femmes qui sont devenues célèbres par l'adultère. وَنِسَاءٌ مُتَبَرِّجَاتٌ غَيْرُ مَسْتُورَةٌ. Et des femmes semi-nues et non voilées, non couvertes par le voile. وَفُقَرَاءُ لَا يَجِدُونَ مَا يَسْتُرُونَ بِهِ الْعَوْرَةٌ. Et des nécessiteux, des pauvres qui ne trouvent pas de quoi couvrir leur partie intime. وَمَسَاكِينُ بِالْجُوعُ أَكَلُوا الْأَزْبَالَ لِلْضَرُورَةٌ. Et des pauvres qui, par nécessité, ont mangé ce qui se trouve dans les ordures par nécessité. Et des malades dans des hôpitaux sans lit, sans couverture et sans médicaments. Et des tribunaux qui donnent des droits aux plus forts. Et des riches qui ont tout ce qu'ils veulent, et d'autres qui sont écrasés par la cherté de la vie, par la cherté des prix. Et les plus braves, les plus courageux parmi les jeunes, et les courageux parmi les jeunes émigrent clandestinement vers l'Europe, et décèdent noyés sous l'eau. Des pères qui sont noyés eux aussi par le surendettement. Et d'autres qui ont rempli les prisons. Et des mères par l'adultère ont rempli les ventres. Et d'autres sont touchés par la dépression ou touchés par la folie. Et de grandes familles ou des familles nombreuses qui vivent dans une seule chambre avec les voisins. Tu trouves une famille de 10 personnes, masha'Allah, qui vit, 10 personnes qui vivent, une seule famille qui vit dans une chambre avec les voisins. Et dans chaque chambre, il y a 10. personne. إذا نام الأم مع الأم في الليل خرج الأولاد إلى الخارج كقطاع طرق ما عندهم أين يبيتوا. Lorsque le père dort le soir avec la mère, les enfants doivent quitter les lieux, passer la nuit dans les rues comme des pirates de rue. بنت في السادسة عشرة تنام مع أخيها 14 عاما. Une fille à 16 ans qui dormait dans la même chambre avec son frère 14 ans ou أختها 12 عاما et avec sa petite sœur de 12 ans تحت غطاء واحد. Les trois couverts par la même couverture. وفي نفس البيت مع أبيها وأمها et dans la même chambre avec son père et sa mère. الأب والأم وبنت 16 سنة وولد 14 سنة وأخت 12 سنة. Le père, la mère, la fille de 16 ans, le fils de, le frère de 14 ans et une autre sœur de 12 ans. وليلة أحست البنت 16 سنة بأن أخاها يقوم بالحرام مع أختها. Et une de ces nuits, la fille de 16 ans a senti que son frère est en train de faire le haram avec sa sœur. فمنعتهما. Et elle leur a interdit l'acte. ولما كلمت بالنهار أختها. Le matin, elle a parlé avec sa sœur. وقالت لها بأن هذا العمل حرام. Elle lui a dit que cette action est interdite en islam. قالت لها أختها الصغيرة. Sa petite sœur lui dit, إننا نفعل مثل أبينا وأمنا. Nous faisons, moi et mon frère, exactement comme notre père et notre mère, لأننا رأيناهما يفعلان نفس الشيء, parce que nous les avons vus faire la même chose. هذه نتيجة الفقر. Tel est le résultat de la pauvreté. والبعد عن الإسلام est le résultat de l'éloignement vis-à-vis de l'islam. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفرقوا بينهم في المضاجع يعني في سن العاشرة. Et le prophète qui nous dit est séparé entre eux, ça veut dire à l'âge de 10 ans dans les lits, séparation dans les lits entre les garçons et les filles. ناس تعيش في الفيلات. Des gens qui vivent dans des villas qui coûtent 4 milliards ou 4 millions. وناس تعيش في الويلات. Et des gens qui vivent dans la malédiction. ناس تأكل أفخر المأكولات. Des gens qui mangent de meilleurs repas. وناس تأكل الميكروبات. Et d'autres qui mangent des microbes et des bactéries. زمان هذا وأي زمان. De quelle époque s'agit-il? نعيب زماننا والعيب فينا. On critique notre époque et en réalité, le défaut se trouve en nous-mêmes. Et notre époque a un péché unique ou un défaut unique qui est nous-mêmes. Et on insulte l'époque sans péché commis par elle. Et dans le cas où l'époque parlait, elle nous insulterait. Et le loup, jamais il ne dévore la chair d'un autre loup. Et les uns, parmi nous les uns, dévorent les autres publiquement. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نحن في زمان يأكل الناس بعضهم بعضا. On est dans l'époque où les gens dévorent les uns les autres publiquement. ويرحم الله الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. Et que Dieu soit miséricordieux à l'égard du calife Omar fils de عبد العزيز. كان الذئب في عصره يحرس الغنم. À son époque, le loup surveillait, gardait la brebis. كانت الذئاب تحرس الأغنام أيام عمر. À l'époque d'Omar, les loups surveillaient les brebis. وَسُئِلَ فِي هَذَا الرُّعَاتُ أَتَوْا إِلَيْهِ وَسَأَلُوهُ. Les bergers sont venus vers Omar pour l'interroger. أَتَحْرُسُ الذِّئَابُ الْأَغْنَامَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Ô émir des croyants, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que les loups surveillent-ils les brebis? مَاذَا صَنَعْتَ فَقَالَ لَهُمْ. Et Omar leur a dit, أَصْلَحْتُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي. Je me suis réconcilié avec mon Seigneur. فَأَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَ الدِّئْبِ وَالْغَنَمِ. Et Dieu a réconcilié le loup avec la brebis. Lorsque je me suis réconcilié avec lui. عمر شاب حكم المسلمين وعمره 39 سنة. Omar était un jeune qui a gouverné à l'âge de 39 ans. وَدَامَ حُكْمُهُ 30 شَهْرًا. Et son règne a duré 30 mois. سَنَتِينَ وَنِصْفَ. 2 ans et demi. وَقَتَلُوهُ بِالسُّمْ. Et ils lui ont mis fin. Ils l'ont tué par le poison. لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقْ لَا نُحِبُّ. Parce que celui qui est véridique, on ne l'aime pas. حَكَمَ 30 شَهْرًا. Il a gouverné pendant 30 mois, qui était meilleur que 30 siècles. Qala Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu, li mustashari. Omar, fils de Abd al-Aziz, que Dieu soit satisfait de lui, dit à son conseiller, idha ra'aytani qad dalaltu 'an al-haqq. Quand tu me vois égaré par rapport au droit, فخذ بمجامع ثوبي. Saisis-moi par le haut de mes habits. واخنقني بثيابي. Et étrangle-moi. وهزني بعنف. Et tire-moi avec violence. وقل لي بكل صراحة. Et dis-moi avec toute franchise. اتق الله يا عمر. فإنك ستموت. Ô Omar, crains pieusement Dieu, parce que un jour tu vas mourir. ولما جمع الزكاة في العالم الإسلامي, lorsqu'il a collecté l'argent, la fortune de la zakat dans le monde musulman, لم يجد مسكينا واحدا. Il n'a pas trouvé un seul pauvre pour prendre de l'argent de la zakat. يأخذها. فأصدر 3 قرارات. Et il a décidé 3 décisions. أولا, premièrement, من أراد أن يتزوج فزواجه على حساب بيت مال المسلمين. Celui parmi les jeunes qui veut se marier, son mariage sera financé par l'argent de la caisse des musulmans, la caisse de l'État. وتزوج جميع الشباب وبقي المال كثير. Tous les jeunes dans le monde musulman se sont mariés et il restait encore beaucoup d'argent qui dort dans la caisse. ثانياً, deuxièmement, كل عبد يريد الحرية. Chaque esclave qui cherche sa liberté, qui cherche à s'affranchir, فَعِتْقُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. Son affranchissement sera financé par l'argent de la caisse d'État, فَأَعْتَقَ جَمِيعَ الْعَبِيدِ. Il a affranchi tous les esclaves, وَبَقِيَ الْمَالُ الْكَثِيرُ. Et restait encore beaucoup d'argent. ثَالِثًا, مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِ. Celui, troisièmement, celui qui est endetté, et il n'a pas pu payer son endettement ou rembourser sa dette, c'est la caisse de l'État qui va rembourser sa dette. Il a payé toutes les dettes et il restait toujours de l'argent dans la caisse de l'État. Dieu le Très-Haut dit, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِي قَالَ هَذَا الْكَلَامِ لَا يَزَالُ حَيًّا وَلَا يَزَالُ مَوْجُودًا. Si les habitants des cités avaient cru et craint pieusement Dieu, nous aurions ouvert sur eux les vannes de notre bénédiction à partir du ciel et de la terre. Celui qui a dit cette citation est toujours vivant. Il est l'Éternel. Iman zaid taqwa yusawi barakat min as-sama'i wal-ard. Une foi plus une piété est égale à une bénédiction du ciel et de la terre. أوصيكم ونفسي في الأخير بتقوى الله على fin je vous recommande et je recommande à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu يعني الناس في زماننا أو الشباب في زماننا عرفوا نجوم الرياضة وعرفوا نجوم المسرح ونجوم الغناء ونجوم السينما. Les gens ou les jeunes à notre époque, ils ont connu les stars du sport, les stars du cinéma, les stars de la musique, etc. ولكنهم لا يعرفون نجوم الدين ونجوم الأخلاق. Mais malheureusement, les jeunes et les gens musulmans à notre époque, ils ignorent les stars de la religion ou les stars de la morale. وسأكلمكم عن واحد من هؤلاء النجوم. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de ces stars. بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه après le décès de Uthman fils de Affan que Dieu soit satisfait de lui صار علي ابن ابي طالب خليفة للمسلمين. Ali fils de Abu Talib est devenu le calife des musulmans. وجاءه اخوه عقيل ابن ابي طالب. Et son frère Aqil fils de Abu Talib est venu le voir. وقال له يا أخي علي لقد أصبحت أمير المؤمنين. Pour lui dire frère Ali tu es devenu calife des croyants ou émir des croyants. وأنا في حاجة إلى مال أفلا تعطيني من مال المسلمين. Et je suis dans le besoin, est-ce que tu peux pas me donner de l'argent de l'État, l'argent public. فقال له الإمام علي كرم الله وجهه وهو نجمنا اليوم. Et l'émir des croyants Ali, que Dieu anoblisse son visage, qui est notre star d'aujourd'hui, lui dit, « Ya Aqil, idha janna al-layl fa'tini fa sa'uhdir laka surra. » Ô Aqil, à la tombée de la nuit, viens me voir, je vais te préparer une bourse. Ça veut dire un sac arrondi contenant des pièces d'argent. Wa inda al-mou'id, lors du rendez-vous, أحضر الإمام علي قطعة من الحديد. L'imam Ali a préparé une pièce métallique وحماها في النار qu'il a brûlé ou qu'il a chauffé dans le feu حتى حمرت jusqu'au point qu'il est devenu rouge ووضعها في السرة. Et il l'a placé dans la bourse. وقال لعقيل, et il a dit à son frère عقيل خذ السرة فإنها أمامك. Prends la bourse, elle est devant toi. ومد عقيل يده إلى الصرة. عقيل a tendu sa main vers la bourse ظنا أنها دراهم من فضة وذهب en pensant qu'il s'agit des pièces en or et en argent. فوجدها نارا. Et à la place il a trouvé du feu, il a trouvé quelque chose qui brûle. فخر عقيل على الأرض مغشيا عليه. Il a perdu conscience, il est tombé sur le sol en perdant conscience. فلما أفاق, après son réveil, قال يا أخي, il a dit au frère, أَتَصْنَعُ بِهَا كَذَا وَأَنَا أَخُوكَ. Est-ce que tu me traites comme ça et je suis ton frère. قَالَ لَهُ عَلِيُّ. Ali lui dit, يَا عَقِيلْ تَكِلَتْكَ أُمُّكَ. Oh عَقِيلْ, que ta maman te perde. إِذَا كَانَ هَذَا حَالُكَ مِنْ نَارِ الدُّنْيَا. Si tu te comportes ainsi avec le feu de la vie ici-bas, فكيف أفعل معك إذا جئنا مسلسلين بالحديد إلى نار جهنم. Si on nous ramène tous les deux le jour de la résurrection enchaînés dans les fers vers le feu de la GN. أعطاه علي الصر بالليل حتى لا يرى حرها. Ali lui a donné la bourse pendant la nuit pour qu'il n'observe pas, pour qu'il ne détecte pas sa chaleur. Kama fa'ala ma'a rajulin akhar talaba minhu as-sadaqa. Exactement, c'était ce qu'il a fait avec un autre homme qui lui a demandé l'aumône. Fa'atfa as-siraj. Ali a éteint la lampe. Thumma a'tahu as-sadaqa. Et après, il lui a donné discrètement l'aumône. Fa'sa'alahu khadimuhu an sabab itfa' as-siraj. Son serviteur, le serviteur d'Ali, lui a posé la question, pourquoi il a éteint la lampe? Qala Ali. Ali a répondu, hatta la ara ala wajhihi dhul su'al. Ainsi, quand je lui donne, je vais pas voir sur son visage les traces de l'humiliation de la mendicité. Kana Ali radiyallahu anhu yusalli bil layl. Ali, que Dieu soit satisfait de lui, priait pendant la nuit. إذا نام الناس أمام رب العالمين. Après le sommeil des gens, Ali priait la nuit devant le Seigneur des univers. ويبكي, et il pleurait. ثم يقول, et par la suite il disait, يا دنيا غري غيري. Ô bien de la vie ici-bas. Ô bien trompé autrui. إليّ تعرّضتي. Est-ce que, il parle de la vie ici-bas, est-ce que tu te présentes à moi? أم إليّ تشوّقتي, ou as-tu envie de moi? هيهات هيهات, c'est impossible. لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. Je t'ai répudié, il parle avec la vie ici-bas, je t'ai répudié définitivement, c'est-à-dire un divorce triple. فعمرك قصير, ta vie est courte. وخطرك حقير, et ton danger est faible. آه من قلة الزاد, oh pour le minimum ou le peu de provision. وبعد السفر, et oh pour la longueur du voyage. ووحشة الطريق, et pour la nostalgie du chemin. مرة مرضت زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Une fois, son épouse Fatima, fille du prophète, prière et salut sur lui, Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, est tombée malade. فقال لها ماذا تشتهين يا فاطمة. Il lui dit, que désires-tu, ô Fatima? فقالت أشتهي رمانة. Elle a répondu, je désire dans ma maladie manger une grenade. أكلها. فبحث فلم يجد في بيته إلا درهما. Il n'a trouvé dans sa maison qu'un seul dirham. فذهب واشترى به رمانا لفاطمة. Il est parti vers le marché, il a acheté la grenade à Fatima. وبينما هو في الطريق إلى البيت, dans le chemin du retour vers la maison, وجد مسكينا مريضا. Il a rencontré un pauvre malade. فسأله ماذا يشتهي. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu désires? قال رمانا أكلها. Il a répondu, une grenade à manger. فقال علي ماذا أفعل. علي a dit, que dois-je faire? إن أعطيته الرمانة فقد حرمت أو حرمت منها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans le cas où je lui donne la grenade, je vais priver la fille du messager de Dieu. وإن منعته فإن الله يقول وأما السائل فلا تنهر. Mais si je le prive, ça veut dire ce pauvre, Dieu m'a demandé dans le Coran de ne pas opprimer le mendiant. وبعد تفكير, après réflexion, قسم الرمان نصفين. Il a coupé la grenade en deux. أعطى نصفها للمريض المسكين. Il a tendu la moitié au malade pauvre. فلما سمى الله, le malade a nommé Dieu. وأكلها شفاه الله. Et il a mangé et Dieu l'a guéri. وقام سليما صحيحا. Il se leva en tant que sain et sauf. وذهب بالنصف الآخر إلى زوجته فاطمة رضي الله عنها. Il a pris l'autre moitié vers son épouse Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle. وكأنه يقول لها لعلك تسألين أين نصفها الآخر. Peut-être tu te poses, comme s'il lui dit, peut-être tu te poses la question, où est l'autre moitié? والله ما أكلته ولا ذقته. Par Dieu, je l'ai pas mangé, je j'ai pas goûté d'elle. ولكني تصدقت به على مسكين مريض. Mais je l'ai donné à un malade, c'est-à-dire la moitié, je l'ai donné à un malade pauvre. لأن أباك يقول داووا مرضاكم بالصدقة. Parce que ton père disait, guérissez ou soignez vos malades par l'aumône. فسمت الله فاطمة وأكلت نصفها فاطمة a nommé Dieu بسم الله et a mangé la moitié فشفاها الله et Dieu lui a donné la bonne santé وبقي علي في البيت Ali est resté dans la maison وإذا بالباب يطرق et quelqu'un a toqué à la porte وإذا بالطارق سلمان الفارسي رضي الله عنه celui qui était devant la porte n'était que Salman le Perse ou le persan, que Dieu soit satisfait de lui. A'ta Aliyan tabaqan mughattal. Il a présenté, il a offert à Ali une assiette couverte. Falamma kashafahu Ali, lorsque Ali a découvert l'assiette, a enlevé le voile de l'assiette, wajada fihi tis'a rummanat. Il a vu 9 grenades. Faqala li Salman, il dit à Salman, min ayna ji'ta biha ya Salman, d'où tu as ramené tout cela au Salman? Faqala lahu Salman, Salman lui a donné cette réponse, innaha hadiyatun min Allahi ila rasulihi ilayk. Il s'agit d'un cadeau venant de la part de Dieu à son messager qui te l'a envoyé. Faqala Ali, Ali a dit, law kanat min Allah, la kanat ashran. Si c'était de la part de Dieu, ça serait 10. ولكنها تسع mais je vois que 9 والله يقول et Dieu dit من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها Dieu dit celui qui fait une bonne action aura 10 fois la même chose لا تسع أمثالها et non pas 9 fois la même chose وإذا بسلمان يخرج الرمان من كمه et Salman par la suite a fait sortir la grenade de sa manche ويقول له هذه العشرة Il lui a dit, prends la 10e. Wallahi ya Ali ma khabba'tuha illa li ujarriba quwwata imanika billah. Par Dieu, ô Ali, je ne l'ai caché que pour tester la force de ta foi en Dieu. Wallahi, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat, mes frères et mes sœurs, par Dieu, alladhi yanqusuna huwa quwwat al-iman billah. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la force de la foi en Dieu. الذي ينقص هو نوعية المؤمنين وليس عدد المؤمنين. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la qualité des croyants et non pas le nombre des croyants. الذي ينقص ليس القيام بالعبادات من صلاة وصيام وحج. Ce qui manque, c'est pas accomplir les adorations, prières, jeûnes, pèlerinages. ولكن الذي ينقص هو وجود حلاوة العبادات. Ce qui manque, c'est de retrouver la saveur, la douceur des adorations. وظهورها في المعاملات. Et l'apparition de cette douceur, l'apparition de cette saveur à travers le comportement des musulmans. الإنسان يذهب للحج ولما يعود يعود للخمور. L'être ou l'individu part au pèlerinage, mais lorsqu'il revient, il revient vers le vin. يعود للسرقة, il revient vers le vol. يعود للرشوة, il revient vers la corruption. يعود لأخذ المال العام, il revient pour prendre l'argent public. يعود للكذب, il revient vers le mensonge. المرأة تذهب وتعود فتنزع الحجاب. La femme qui va au pèlerinage et après son retour, elle ôte le voile. تعود لممارسة السحر والشعوذة. Elle revient pour pratiquer la sorcellerie. أي حج هذا؟ De quel pèlerinage s'agit-il? الحج الحقيقي هو حد بين الماضي حد فاصل بين الماضي والمستقبل. Le vrai pèlerinage est une limite séparative entre le passé et le futur ou l'avenir. الحج الحقيقي, le vrai pèlerinage, يغير صاحبه, change le pèlerin, يغيره فيصبح إنسانا قرآنيا. Et il devient un homme coranique. إِذَا رَأَيْتَ إِنْسَانًا ذَهَبَ إِلَى الْحَجِّ وَعَادَ وَتَغَيَّرْ فَحَجُّهُ مَقْبُولٌ. Si tu vois un pèlerin qui part là-bas et qui revient, qui change catégoriquement, sache que son pèlerinage est agréé. وَإِلَّا فَنَخَافْ أن لا يغيره، نخاف أن يكون حجه غير مقبولا، ونسأل الله تعالى وتبارك أن يرد الأمة جمعاء إلى دينها ردا جميلا. On demande à Dieu à la fin de ce prêche de faire revenir, de faire retourner toute la nation à l'islam, un retour doux. ونسأل الله تعالى وتبارك أن يتقبل من جميع الحجاج. Et on demande à Dieu d'agréer le pèlerin ou le pèlerinage de tous les pèlerins de cette année. ونسأل الله تعالى وتبارك أن يتقبل أعمالنا. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت، نتوجه إليك في هذا اليوم، نقول لك يا رب سفراء من عندنا سيذهبون إلى بيتك للحج، يا رب اللهم احفظهم في ذهابهم وفي مقامهم هناك وفي عودتهم. اللهم احفظهم في إيمانهم، احفظهم في صحتهم، احفظهم في أموالهم، واحفظهم في عائلتهم التي تبقى من بعدهم. اللهم احفظهم من كل بلاء، واحفظهم من كل مرض برحمتك يا أرحم الراحمين، وردهم إلى هنا سالمين غانمين. اللهم تقبل حجهم، اللهم أرهم مناسكهم، اللهم تب عنهم وتقبل حجهم وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت، اجعلنا نتذوق حلاوة الإيمان. يا رب اجعلنا نتذوق حلاوة الطاعات، حلاوة الصلاة، حلاوة الذكر، حلاوة الصيام، حلاوة القيام، حلاوة الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرم قلوبنا من حلاوة عباداتنا لك. وصلي وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.